Te crémaillote, t'es sixième été. Mon bonheur. Et la web ravie, beaucoup gagne en direct. Et bienvenue, c'est Pierrot, c'est votre animateur. Je suis avec Benjamin de Révolution Permanente. Et est-ce que tu veux te faire une petite présentation, Benjamin? Oui, bonjour. Eh bien, du coup, je m'appelle Benjamin Sainty, je suis assistant social dans une clinique du Mans, j'ai 39 ans. Et en effet, je suis militant à Révolution Permanente et représente une liste d'élection municipale. Et du coup, j'avais prévu une petite chronique pour commencer cette interview. Donc, c'est vrai que il semblait nécessaire de faire une chronique pour mieux comprendre les enjeux de cette élection, qui est une question d'ancrage local. Aura un impact national dans le cadre d'une autre élection que l'on parle un peu moins, à savoir les élections sénatoriales via un suffrage des grands électeurs. Aujourd'hui, la ville du Mans elle est dirigée par Stéphane Le Foll à travers le Parti socialiste et il notera que ce dernier se présente avec notamment Place Publique. Il y a actuellement 7 listes, s'il me trompe encore. Ouais, c'est ça. Comme tu le disais précédemment, toi, tu représentes la liste Révolution Permanente pour prendre le mot de politicien d'appuissement qui a 7 noms sur la liste, notamment avec le binôme Tiffany. Oui, exactement. Ouais, on a mis en avant deux têtes de liste, Tiffany Gymnastique et qui est enseignante d'histoire géographique. Et du coup, le mot, pour aller vers les clichés, en fait, elle est commune pour la série de concurrence, celle de Tours. Et ironiquement, hein, c'est arrivé notamment par le train sur la Loue Classique à Paris, en opposition avec la LGE, Turno. La ville est connue pour son circuit sans qui permet de forer rénover la ville, juste une partie à l'international. Puis il y a la cathédrale hein, qui serait au conditionnel et parce que moi j'ai pas d'avis sur la question la plus belle de France. Pourtant loin de cette vision idyllique, ce que l'on dit est différent hein, puisque le Mans est considéré comme la porte vers l'ouest. Le Mans c'est aussi ses grands ensembles avec différents quartiers comme les Sablons ou les Delonnières dans le sud qui sont au Tichoubou Vélanité dans les années 50 et 60. Et on constate, et j'ai constaté, pardon, parce que j'ai habitué à Alain, et la pauvreté est plus importante que dans le reste de la ville. Et on se rend compte que, malheureusement, qu'il y a des business illégaux qui prospèrent, sans préjuger de ma part. Et du coup, la mixité sociale se retrouve par ailleurs biaisée parce qu'on a une différence, notamment entre le centre-ville, le cœur, c'est la place de la République. Et c'est vrai qu'en écrivant cette chronique, je me disais quand même, la place de la République, c'est un peu notre châtelet idéal par rapport au Mans. Voilà, c'est le carrefour névralgique où tout le monde se rejoint. Et actuellement, l'agglomération est basée sur deux lignes de tramway, à savoir le T1 et le T2, avec un tronçon commun et de nombreux travaux se déroulent en ce moment dans la ville, y compris sur la ligne Bollé où se situe la radio. Ne vous y trompez pas, il existe le T3 qui n'est pas un tramway, mais une chronoligne reliant la gare Nord vers Alonne. Deux chronolignes sont en développement qui permettent un transport plus rapide, ou pour nous, ça résume. Dans le jargon, à une ligne de bus à haut niveau de service. Le Mans, c'est aussi un désert médical et paramédical, loin des boutons du CHM et de Pôle Santé Sud, de ses cliniques et de ses grandes nombreuses EHPAD, dont un grand nombre se situe autour de l'Arabo. De nombreuses personnes sont quels sont médecins traitants, et cela pose tout de même pas de soucis, avec près de 27 000 habitants, comme tu le disais dans une de tes vidéos. Pour ma part, actuellement, je suis principalement concerné parce que je n'ai pas de médecin traitant. Et ensuite, on constate que le Mans se trouve également dans un cadre culturel qui reste assez institutionnel, en fait. Il est très difficile de rentrer dans ce monde sans en connaître les différents acteurs. Voilà, j'espère que j'ai dressé un portrait on va dire, assez restreint, mais ça va pouvoir permettre qu'on lance le sujet, à savoir, la question, c'est de nous expliquer ici un peu ton parcours, pourquoi faire aller à Révolution Permanente. Eh bien, moi, en fait, je suis militant depuis que je suis arrivé au lycée. En fait, je me suis politisé suite à l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen en 2002. Donc, avec la crainte de voir potentiellement le Front National arriver au pouvoir. Donc, en fait, j'ai fait partie de ces centaines de milliers de jeunes qui se défilaient dans les rues au lycée. Et puis, bah, j'ai continué à me politiser, à m'organiser, que ce soit contre le contrat première embauche en 2006, qui visait en fait à pouvoir licencier sans motif les jeunes de moins de 26 ans, hein, durant une période d'essai, entre guillemets, de le paysan. Donc c'est là où je me suis organisé politiquement. À l'époque, c'était encore la LCR d'Olivier Besancenot et d'Alain Krivine, hein, la Ligue communiste révolutionnaire, qui est devenu ensuite le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Et puis, Révolution Permanente s'est créée en 2022, que j'ai rejoint. Et puis, bah, sur la ville du Mans, on a une section de Révolution Permanente depuis 3 4 années maintenant. Donc, voilà, plus récemment, j'étais également dans toutes les mobilisations, que ce soit contre le grand mouvement contre la réforme des retraites en 2023, mais également sur les mobilisations en solidarité avec le peuple palestinien. Voilà, je suis aussi militant syndical à côté sur mon lieu de travail. Donc, pour dire en un mot, mais moi, je suis profondément révolté, en fait, par les injustices qu'on peut constater dans le monde actuel. Et je pense que ces injustices, c'est pas une fatalité, c'est le produit d'un système économique, le capitalisme, qui fait que quelques personnes détiennent en fait les entreprises, détiennent les moyens de production et en fait exploitent la majorité de la population qui galère. Et d'ailleurs, comme tu le disais, sur Le Mans, on voit bien que les conditions de vie se dégradent et qu'il est de plus en plus difficile de se loger, de soigner, de finir les fins de mois. Donc c'est contre cette société-là qu'on lutte pour essayer de trouver une autre société basée sur les travailleurs et travailleuses. Et justement, quelles sont les mesures phares de votre programme, de votre programme? Eh bien, il y en a de différents ordres, mais pour en citer quelques-unes, comme le dit le titre de notre liste, reprendre le Mans aux politiciens professionnels, nous, on pense en fait que faire de la politique, ça ne devrait pas être réservé seulement à des gens qui en font leur carrière et qui sont bien souvent déconnectés des réalités du terrain. Donc nous, on porte des revendications telles que le fait que les élus soient révocables, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre 6 ans les prochaines élections pour pouvoir les révoquer s'ils trahissent leurs promesses, mais que ces élus soient contrôlés par la population à la base, par des comités de quartier, des assemblées générales, qui puissent débattre et discuter de politique et puis, si besoin, les révoquer. Que les élus soient payés au salaire d'une infirmière ou d'un enseignant pour qu'ils n'aient aucun privilège, en fait, sur le reste de la population. Sur ces mesures-là démocratiques, on porte aussi la question du droit de vote dès 16 ans, puisque à 16 ans, en fait, les jeunes peuvent travailler, peuvent aller en prison, mais n'ont pas le droit de décider sur les choses qui vous les concernaient politiquement, enfin sur pouvoir décider tout simplement de ce qui est possible de faire sur la ville ou dans le pays. On est également pour le droit de vote des résidents étrangers. Là aussi, ça nous paraît une injustice profonde de voir que des gens qui travaillent ici, qui vivent ici, qui payent des impôts ici, ne puissent pas décider. C'est d'ailleurs encore plus paradoxal aux élections municipales, puisque les personnes de l'Union européenne peuvent voter, mais pas les autres. Donc, nous, on trouve ça profondément discriminatoire, en vérité. Donc, et on porte aussi des mesures sur pouvoir se soigner au Mans, notamment pour des investissements massifs dans les services publics, à contrario de ce qu'a fait les partis socialistes, hein, qui ont voté 3,6 milliards de coupes budgétaires dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale là pour 2026, donc ce qui va encore dégrader l'état du système de santé. Et au Mans, c'est vrai qu'on en est on est particulièrement touché par ça. Donc nous, on pense qu'il faut au contraire investir dans les services publics. Et puisqu'il y a une certaine urgence sociale pour se soigner, on pense qu'on devrait réquisitionner les établissements privés qui sont en fait des profits sur la bénullie d'accès aux soins de santé. On pense qu'il faudrait les réquisitionner, les mettre sous contrôle des soignants et des habitants et des usagers. Donc ça, c'est des quelques mesures sur la santé. On pense également qu'il faudrait, en partant des besoins de la population, ouvrir une fac de médecine sur l'Université du Mans qui soit gratuite et accessible à tous sans sélection. Également, on a des mesures pour pouvoir se loger au Mans. Là aussi, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a 8328 logements vides au Mans, alors que le 115, hein, le numéro pour les hébergements d'urgence, est complètement saturé, que les loyers ont augmenté de 25% sur ces 5 dernières années. Donc là aussi, on pense qu'il faudrait remettre les choses à l'endroit. Et voilà, donc peut-être pour dire aussi, pour pas faire une liste de courses, mais la logique de notre programme, en tout cas nous, c'est un programme qui part des besoins de la population. C'est un programme qu'on présente comme un programme de lutte parce qu'on pense que ces mesures, elles ne le rendent pas complètement dans le cadre des institutions municipales, mais elles s'imposeront par l'organisation collective de la population, des classes populaires, par leur lutte pour les imposer en s'organisant par en bas. Donc, c'est aussi la logique de notre programme hein, qui diffère de la plupart des listes qui font des programmes dans le cadre de ce que peut mettre en place le conseil municipal. Et nous, on pointe cette contradiction puisque aujourd'hui, la vérité, c'est que le budget des collectivités territoriales laisse peu de marge de manœuvre en vérité. Donc nous, on pense que nécessairement, comme tout ce qu'on a réussi à acquérir comme acquis sociaux dans l'histoire pour les travailleurs et travailleuses, ça s'imposera par des mobilisations populaires, par des luttes importantes par l'auto-organisation de ceux d'en bas. Et justement, tu parlais des frais fac de médecine. Et quel est mon avis sur la fermeture de la Croix-Rouge et de nouveau de l'IFSI? Ah ben non, mais t'as tout à fait raison. C'est complètement aberrant en fait. D'un côté, on a un problème, comme tu le disais bien hein, dans ton introduction, on a un problème de désertification médicale, de tension pour trouver des soignants et des soignantes. Et là, le choix de Christelle Morançais, hein, la présidente de région des Pays de la Loire, qui avait 82 millions d'euros de coupes budgétaires en 2024, hein, qui a sabré fortement les associations, la culture, l'institut professionnel, vient d'annoncer le fait la semaine dernière la fin des financements pour l'école d'infirmières de la Croix-Rouge. Donc évidemment, nous, on dénonce fermement cette nouvelle coupe budgétaire de la région Pays de la Loire. Nous, on est pour le maintien de ces formations qui sont par ailleurs essentielles et on pense en vérité qu'il faudrait développer davantage. D'autant plus que on n'a pas vraiment de problème de vocation en fait sur ces métiers. On a plein de jeunes qui veulent faire ce beau métier en vérité, qui est de prendre soin des autres, mais ils sont sous-payés. Hein. Il faut dire aussi que en stage, une étudiante infirmière, c'est si on ramène à l'heure en fait ce qu'elle perçoit pour ses études, c'est près de 1 euro de l'heure en vérité. Donc c'est déjà des conditions extrêmement difficiles. Et là, en fait, on enlève une formation pour les étudiants, ce qui va poser d'ailleurs la question de quoi faire pour terminer leur formation pour eux. Donc évidemment, on condamne. On sera d'ailleurs à leur côté demain matin puisqu'ils manifestent. Demain matin, je crois que c'est à 8h30. Il faudrait vérifier l'information, mais en tout cas, demain matin, ils manifestent, donc on sera à leur côté. Ils ont fait une pétition aussi, tout tourne en ligne, quand ils mettent de leur formation. Donc, nous, Révolution Permanente, on est à leur côté. On fera un article aussi dans notre journal en nuit pour dénoncer ça. Et oui, tu parlais notamment du paiement assez misérable au niveau des étudiants, de ce qu'on fait à nous. Et je rajoute que les élèves aides-soignants n'ont pas du tout de salaire. Voilà. Donc, ils font à peu près 6 mois de stage sur leur cursus et ils sont payés 0 €. Donc, ça aussi, c'est assez énervant, on va dire. Il faudrait quand même souligner que une grande partie des élèves hein, HME se font souvent dans des conditions, voire plus dégradées que celles des élèves en soins infirmiers. Oui, complètement, complètement. Et c'est vrai que tu parlais de la pétition au niveau de la fermeture de la formation de la Croix-Rouge. Je crois qu'elle est arrivée à 4 500 signatures. Et c'est dans l'idée aussi de ce que j'avais lu dans les articles de presse régionale de créer un pôle santé sur l'université pour regrouper toutes les formations. Et ce qui est assez dégueulasse, au fait, c'est qu'en réalité, il était prévu quand même que la Croix-Rouge soit présente dans ce pôle de santé et l'idée de la présidente de région des Pays de Loire a été de fermer en fait une formation alors qu'il y a tellement besoin de paramédical et des médicales, comme je le disais, dans ton programme que vous avez fait coûter de médecine au niveau de l'université. Et est-ce que tu aurais d'autres éléments? Tu permets des injustices et sur la Palestine, mais est-ce qu'il y a quelque chose, notamment au niveau de révolution permanente, sur le sujet? Oui, complètement. En fait, c'est vrai que nous, notre logique, ce n'est pas de se cantonner, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas de se cantonner simplement à des revendications locales, parce que fondamentalement, on pense que pour changer les choses, il y a tout un tas de mesures nationales et même de la situation internationale qui a un lien en fait sur ce qui se passe au Mans et sur la vie des Manceaux et Mancelles. Déjà, le premier élément, c'est que on pense que le Mans est une ville profondément dans sa composition, en tout cas internationaliste, et on pense en fait que le Mans devrait afficher sa solidarité internationale, en particulier avec les peuples opprimés. Nous, on a fait partie du mouvement de solidarité avec la Palestine. On a d'ailleurs deux colistiers et colistières, Nadil et Nasser Yassine, qui sont sur notre liste, qui sont palestiniens, qui viennent de la ville de Pulkarem en Cisjordanie. On a également deux colistiers qui sont kanaks, qui participent également au mouvement d'autodétermination du peuple kanak. Donc pour nous, les questions de solidarité internationale sont profondément importantes parce que, à l'image des classes populaires sur la ville du Mans, qui pâtissent en fait des politiques néolibérales et du capitalisme, en fait, ce système, le capitalisme à l'échelle internationale, provoque en fait la misère et la guerre partout dans le monde. Et on en a un triste exemple depuis quelques jours avec la guerre au Moyen-Orient menée par les États-Unis, l'État d'Israël et en vérité leurs complices, les autres États impérialistes, tels que la France d'ailleurs, qui va envoyer un Pentagone là, d'après les dernières allocutions d'Emmanuel Macron. Donc nous, sur la question de la Palestine, en effet, on a trois mesures qu'on met en avant dans notre programme. La première, ce serait un jumelage de la ville du Mans avec la ville de Toulkarem en Cisjordanie. C'est une mesure certes symbolique, mais ça permettrait en fait d'afficher une solidarité, des échanges et des liens concrets entre les habitants du Mans et les habitants de Toulkarem, qui est une ville en fait qui subit la colonisation régulière par l'État d'Israël et ses colons. La seconde mesure, c'est la liberté inconditionnelle pour manifester pour les peuples opprimés sur le Mans. Pourquoi cette revendication? Parce que en fait, vous le savez peut-être si vous passez régulièrement en centre-ville, mais en fait, depuis octobre 2023, depuis le début du génocide à Gaza, tous les samedis après-midi, il y a une manifestation en solidarité avec la Palestine à la République, sort de 14h. Donc voilà, on vous invite à la rejoindre. D'ailleurs, elle continue toujours actuellement, hein, depuis plus de 2 ans maintenant. Et en fait, depuis plusieurs mois, la préfecture restreint en fait ce droit de manifester en refusant le parcours déposé, en le déviant, en interdisant les mégaphones, en convoquant à la préfecture pour intimider les animateurs de ces manifestations. Et jamais, en fait, les participants à ces manifestations ont eu le soutien de la mairie. Jamais, ils ont assez peu de soutien, si ce n'est les militants qui participent à cette cause. Donc nous, on pense qu'en fait, pouvoir manifester, hein, qui est un droit élémentaire et fondamental, devrait être garanti sur la ville lorsqu'on manifeste pour les peuples opprimés. Par ailleurs, il faut voir que c'est voilà, ça s'inscrit dans un tournant quand même assez autoritaire sur la ville. Et enfin, la troisième revendication, c'est qu'on porte sur cette question, c'est l'engagement que la ville du Mans, sa municipalité, ne participera à aucun accord, convention avec des entreprises qui collaborent avec l'État d'Israël et donc qui collaboreraient avec le génocide en cours à Gaza. Voilà, c'est un peu dans la stratégie de BDS, boycott des investissements, sanctions, pour faire pression sur l'État d'Israël, à l'image en fait de la campagne de boycott qui avait été faite il y a plusieurs dizaines d'années sur l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, une stratégie qui a fonctionné à l'époque. Donc l'idée, voilà, c'est de rompre tous les liens qui pourraient y avoir entre la ville du Mans et les entreprises qui collaborent avec l'État d'Israël. Donc c'est les trois revendications qu'on porte pour la Palestine sur le Mans. Et tu parlais justement de la préfecture. Tu as été convoqué récemment d'un commissariat de police qui a fait la une de la presse locale. Et est-ce que tu peux nous en dire plus en fait de Kunda que ce au Oui, alors en effet, peut-être pour rappeler un peu les faits, on est 5 personnes, dont les 2 têtes de liste de Révolution Permanente, Tiphaine Ginesti et moi-même, avoir reçu une convocation fin janvier pour une audition libre au commissariat du Mans. Le motif était de participation à la manifestation interdite. Donc on n'avait pas plus d'éléments par rapport à ça. Et en effet, on s'est présenté au commissariat le 17 février. On a organisé un grand rassemblement de soutien et de solidarité, hein, pour dire une chose assez simple, qui est que le droit de manifester est une liberté fondamentale, et que bah, en fait, on veut pouvoir manifester sans être inquiété. Il s'avère lors de l'audition avec la police que la manifestation en question était celle du 13 décembre, qui était une manifestation en fait contre l'extrême droite en effet, qui a suivi le village pour les droits et libertés, qui était un village pour dénoncer et expliquer les idées de l'extrême droite et leur programme et le danger en fait pour la population et pour les classes populaires. Donc un village qui était composé d'organisations syndicales, associatives, politiques. Et suite à ce village en fait, nous sommes une centaine de personnes à avoir défilé pour dénoncer entre guillemets, la commémoration du souvenir vendéen. En fait, c'est la manifestation annuelle de groupes néo-fascistes, hein, royalistes, qui, sous prétexte de, enfin, sous couvert de commémorer le génocide vendéen, en fait, profitent de cela pour diffuser leurs idées nauséabondes. Il faut savoir que la préfecture autorise leur défilé, c'est le deux poids deux mesures avait interdit d'autres manifestations. Donc nous on pense que on dénonce déjà ce deux poids deux mesures. On pense que les idées de l'extrême droite elles progressent sur Le Mans et plus largement sur la Sarthe. Enfin en tout cas il y a une volonté affichée du Rassemblement national de faire de la Sarthe sa porte d'entrée dans le Grand Ouest, parce qu'ils ont des retards au niveau électoral dans le Grand Ouest. Donc ils ont notamment, on le sait, hein, depuis 2024, mis la candidature de Marie-Caroline Le Pen aux législatives. Jordan Bardella est venu à 2 reprises dans le département pour dédicacer son livre. Et on voit que cette montée de l'extrême droite, elle s'accompagne également d'attaques en fait envers notre camp social. Je pense notamment au fait que les locaux d'Homogène, association LGBTI de la Sarthe, ont été dégradés à 3 reprises ces derniers mois. Donc j'en profite, hein, pour leur apporter toute notre solidarité, tout notre soutien. On a fait un communiqué comme de nombreuses auto-organisations pour les soutenir. Voilà, la montée de l'extrême droite, c'est ça, c'est la violence, c'est les idées réactionnaires, et c'est en vérité un programme qui va, s'il s'applique en tout cas, qui est raciste et sécuritaire, mais qui est aussi un programme qui va dégrader pousse les conditions des travailleurs et travailleuses, puisque le Rassemblement national est en fait un parti qui défend les plus riches. Et défend des mesures d'austérité, comme en témoignent les positions de Madame de Vigneral, par exemple, qui est la candidate du RN au municipal, qui est aussi conseillère régionale des Pays de la Loire et qui applaudissait des deux mains les coupes budgétaires de Christelle Morancé. Donc, c'est aussi l'austérité que promet ce parti, quoi. Et c'est vrai que on l'a vu à chaque fois lorsque l'extrême droite, comme il manifeste, les locaux de Montréal ne sont pas présumés que compte des dégradés sur la devanture. Et ces derniers temps, en fait, qu'on a eu quand même une saturation de l'espace évolutique, notamment au travers des événements qui se sont déroulés dans la ville de Lyon. Et il y a eu une manifestation de l'extrême droite au niveau de la préfecture, et c'était ce jour-là où les locaux d'Homogène ont été dégradés. Et c'est vrai que ça a fait réfléchir quand même sur la volonté réelle derrière, puisque comme tu le disais, le programme de l'extrême droite, c'est un programme de droite, donc c'est un programme ultra-libéral. Et derrière, il y a la volonté de s'attaquer sur toutes les minorités. Ouais, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que en fait, le contexte actuel, c'est ça, c'est-à-dire que l'instrumentalisation en fait de ce qui s'est passé à Lyon, le fait que y compris l'ensemble des partis, voilà, de mainstream entre guillemets, du centre gauche à la droite, ont profité de ces événements en fait pour accroître un tournant autoritaire, pour instrumentaliser ça, notamment pour commencer à parler d'interdire des réunions politiques sur les universités. Alors, on voit qu'on va avoir une offensive autoritaire et sécuritaire encore davantage. Et ça, en fait, comme tu le dis, ça donne confiance à l'extrême droite, et ça fait qu'on subit notre camp social encore plus d'agressions et de violences, comme les dégradations sur les locaux d'Homogène qui ont eu lieu. Donc, on a besoin, à mon avis, de faire bloc avec l'ensemble du camp progressiste, en fait, de la ville, pour défendre des libertés démocratiques élémentaires, défendre nos droits, pour dénoncer et démasquer le programme de l'extrême droite. On va avoir besoin de serrer les coudes face à ça. Moi, je voudrais aussi profiter de ce petit temps pour aussi être solidaire vis-à-vis de la France insoumise. On a un certain nombre de divergences qu'on exprime stratégiques, enfin de divergences stratégiques qu'on exprime dans le cadre des municipales, mais en tout cas, on est complètement solidaire avec eux sur l'offensive en accusation d'antisémitisme, sur le fait que leurs locaux ont été dégradés dans un certain nombre de villes, y compris de locaux syndicaux, comme ceux de Solidaires à Lyon. Voilà, donc on leur apporte notre soutien et on sera ensemble pour défendre ces libertés, comme eux ont pu être là également pour nous lors du rassemblement au commissariat le 17 février. Bah, je te propose de faire une légère coupure. On va se goûter le morceau de Power of Stellar The Sun et on revient tout de suite à part. 40 degrés peuvent vu filer tous mes étés. Corps abîmé, j'ai réparé l'arnée salée. Alors, lunettes, vilaines, décachées, pis on s'en équipe. Qui c'est moi dans ma. Je suis dans mes écoles, la musique. Moi, je me fais mes filles, ça me livre dans la mienne. Hein? Tiens ça dans ta. Et voilà, t'es ma. Ah, le vétard, le tchèvre. T'es un tchèvre. Copie. Pitch. Bipin, ça. Tout. Un tchèvre. Gonna follow the sun. That gun will keep moving on and moving. I'm never gonna stop. Yeah, I'm the only time I'm up. Then I'll travel. I'm gonna follow the sun. I'm gonna follow the sun. Yeah. I'm gonna follow the sun. Mon maillot de pièce, c'est mété. Mon bonnet, c'est je peux plus le cacher, j'aime pas l'été. Je voudrais manger glace encore, mais ta fauve est du gel et je pourrais. Parce que les sauts. Bon, c'est pas. Now I'm gonna follow the sun. The gamble, the bogan off. The Americanis, this is. The chapel, and I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. Je fais tête, c'est de vient à cœur. Et nous sommes de retour sur Radio Progrès, qui est une web radio progressiste. Et le slogan de la radio, c'est la voix rebelle. Donc, ça permet de dire tout ce que ça veut dire. Et c'est vrai, tu parles tout à l'heure de la question de remettre l'idée du combat progressiste au cœur, on va dire, pas du débat, c'est ce qu'elle reprend du mot, mais au cœur des différentes propositions et des différentes argumentations. Donc, on a parlé de pas mal de sujets, et qu'est-ce qui te viendrait d'autre dans le temps de développer plus longuement, parce que voilà, sur Radio Progrès, nous on fait des grands entretiens d'une heure. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet justement de développer l'idée et pas d'être fixé par un point. Moi je me fais mes films, ça t'aimait vraiment que. Je sais pas, peut-être te dire, rajouter peut-être un petit mot sur les élections municipales, raconter un peu notre campagne. C'est vrai que nous, c'est la première fois qu'on se présente aux élections sur le Mans, et on a été, ça nous a permis en fait de nous adresser à tout un tas de personnes, hein. Je pense, voilà, vous imaginez une campagne, il y a les diffusions de tracts sur les marchés, les collages, mais on fait aussi beaucoup de porte-à-porte, ce qui permet notamment d'aller s'adresser aux classes populaires de différents quartiers. On a fait beaucoup de logements sociaux dans les différents quartiers du Mans. Et franchement, c'est vrai que c'est là où on se rend compte des conditions de vie de la population aussi qui sont horribles. Il faut savoir que des logements sociaux, que ce soit au Sablon, au Glonnières, rue Paul Mignol, sont dans des états en fait d'insalubrité vraiment hyper importante. Enfin, on a pu voir l'humidité, les moisissures. On peut voir les problèmes d'ascenseurs régulièrement en panne, les problématiques de nuisibles telles que les cafards, et avec aucune réponse en fait qui est apportée par les bailleurs. C'est aussi quelque chose qui touche au porte-monnaie forcément, puisque en fait quand les bâtiments sont mal rénovés, mal isolés, eh bien c'est des surtout de chauffage. Donc en fait, tu payes la double peine, quoi. Non seulement t'es dans un logement insalubre, et puis en plus tu as des coûts des factures énergétiques qui flambent. Donc c'est vrai que ça nous a permis de voir ça avec les habitants et de discuter pour ne pas en rester juste au constat, mais de discuter comment on peut s'organiser collectivement pour là aussi imposer un rapport de force vis-à-vis des bailleurs pour changer ça, quoi, pour exiger un plan de rénovation du bâti social sous contrôle des habitants. Donc, Donc la campagne, elle nous a permis de voir ça. On a fait une réunion publique sur le logement, sur cette thématique-là. On en a fait une sur la santé. Alors là, c'est vrai, hein, tu le disais toi-même, tu n'as pas de médecin traitant comme des milliers d'habitants du Mans et de l'agglomération. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui ressort. Donc on a pu organiser une réunion sur ce thème en cherchant à construire des réponses et des perspectives avec aussi bien les usagers que les soignants et soignantes. Bon, moi le premier, hein, je travaille dans un établissement privé de la santé sur le Mans. Donc ça permet de voir aussi cette réalité là. On a fait une réunion publique aussi sur la question de la jeunesse et de la petite enfance. Là aussi, hein, on voit que on a une jeunesse qui est clairement inquiète et où les problèmes de santé mentale en fait flambent. C'est documenté, hein. D'ailleurs, on le voit, que ce soit les tentatives de suicide chez les adolescents, les phénomènes d'anxiété et d'angoisse qui augmentent. Mais ça, c'est évidemment lié à tout un contexte, que ce soit l'anxiété liée au changement climatique et à la dimension écologique, aussi à la question de la guerre, comme on le voit tristement là ces derniers jours, et aussi le fait de la pression scolaire, du fait finalement de ne pas avoir d'avenir dans cette société. En tout cas, si on ne lutte pas, si on ne cherche pas à changer les choses, c'est vrai que l'avenir est sombre pour la jeunesse. Et on a fait un grand meeting aussi le dimanche 22 février, ce qui a permis à notre porte-parole nationale, Anas Kazib, d'être présent. On a réuni plus de 200 personnes à la salle Barbara. Donc, d'ailleurs, si vous voulez revoir le meeting, il est accessible sur YouTube, sur notre chaîne Révolution Permanente. Vous pouvez le retrouver si vous l'avez manqué. Donc voilà, c'était un meeting qui était à la fois émouvant, avec des témoignages vraiment touchants, et aussi avec beaucoup de combativité, avec beaucoup d'habitants qui étaient présents. Donc c'était un peu le point d'orgue pour nous de cette campagne. Et là, je profite aussi pour annoncer notre dernier rendez-vous de campagne. Le mardi 10 mars à 20h au cinéma Le Royal, on va faire la projection d'un documentaire que des camarades de Révolution Permanente, qui sont travailleuses du droit, ont tourné à Mayotte. Donc c'est un documentaire qui s'appelle Mayotte, île sous domination, et qui montre en fait après le passage du cyclone Chido, si vous vous rappelez ce cyclone il y a une année, qui avait complètement dévasté l'île, qui permet de montrer aussi, au-delà des conséquences du cyclone, comment en fait la dévastation de l'île est le produit en fait d'une gestion coloniale de l'État français à Mayotte, qui cherche en fait à faire la chasse aux immigrés comoriens, qui montre en fait ce documentaire comment le Mayotte est un laboratoire aussi d'une politique discriminatoire envers les populations migrantes. Il faut savoir notamment que le droit du sol est remis en question là-bas, qu'il y a eu un certain nombre d'offensives avec l'opération Wambushu, des opérations Place Net. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de venir, c'est à prix libre. Donc voilà, c'est l'occasion de voir le documentaire gratuitement, ou en donnant en tout cas ce que vous pouvez donner. Puis il y a un débat qui s'en suivra après. Il y aura un militant comorien d'ailleurs qui sera présent, Mohamed Rabban, qui est présent dans le film. Il y aura les réalisatrices aussi qui seront présentes. Donc n'hésitez pas à profiter de cette soirée, puis je venir avec nous le 10 mars. Eni, tu parlais au début de ton intervention de la santé publique, et notamment quelles sont tes propositions plus largement à l'EPS? Oui, et ben en effet, quand on parle, enfin déjà le constat, il est que la santé mentale, elle est complètement détruite, quoi, chaotique sur la ville, hein. Les problématiques de l'OPSM font régulièrement la une des journaux, fermeture de lits, manque de médecins, et en fait, c'est des personnes souffrance qui augmentent en plus, comme je le disais, que ce soit dans la jeunesse, mais y compris dans le reste de la population en Sarthe, avec des moyens d'accueil, avec un accès aux soins qui est de plus en plus dégradé. Donc, nous, pour ça, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait je disais tout à l'heure, mais déjà des investissements massifs dans les services publics, y compris dans des services publics de santé mentale. Mais même au-delà de ça, nous, ce qu'on propose, c'est un centre de santé par quartier qui soit construit avec des accès aux soins qui soit gratuit et sans condition de nationalité. Puisqu'en fait, au plus près, y compris de la population, on puisse avoir un accès à un psychologue, à un infirmier, à un médecin, pour pouvoir en fait être accompagné. Je parlais des psychologues, il faut savoir que là aussi, c'est extrêmement compliqué d'avoir un rendez-vous. Les pansements sur une jambe de bois qu'a été le mot parcours psy. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir Mopropsy, c'est extrêmement difficile de trouver un psychologue qui est conventionné. Moi, j'ai des témoignages de gens autour de moi qui me disent qu'il y en a en campagne, mais quand on n'est pas véhiculé, en fait, on doit prendre des TIS, enfin la STAO pour y aller, enfin voilà. Et puis, il y a des listes d'attente extrêmement importantes. Donc là aussi, il faut tout changer et mettre des moyens, en fait, pour la santé mentale. Et oui, tu parlais de la santé mentale. Et justement, je disais l'autre jour, un livre de Thomas Porchet, il expliquait que sous le quinquennat de Hollande et le premier quinquennat de Macron, c'est environ 30 à 40 milliards d'euros qui ont été retirés aux différentes collectivités, notamment la ville. Et il expliquait que les services publics se sont tellement dégradés que ça allait dans une stratégie ultra-libérale et notamment en orientant la logique pour dégrader toujours plus afin que les gens réclament des services plus. Et c'est vrai que l'HP, le PSM, au niveau de l'agglomération, ont une très mauvaise réputation en fait. Et cela permet justement de tout priver de prendre le dessus pour faire des coffres sur la santé. Enfin, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la logique qui se met en place, qui finit, comme tu l'as dit, hein, qui est un tournant ultra libéral où on va de plus en plus vers un système à l'américaine, quoi. On va avoir un service public extrêmement minimum et à côté des établissements privés en fait qui font leur business plan en fait sur cette pénurie. Peut-être pour pas rester que sur le constat, nous on pense que cette situation là c'est pas une fatalité, que en s'organisant collectivement avec les soignants et soignantes parce que leurs conditions de travail sont dégradées et leur sens au travail, en fait, quand on ne peut pas bien accompagner les patients, quand on ne peut pas bien accompagner les résidents, ça dégrade leur santé mentale, y compris à elles et eux aussi, les travailleurs et les travailleuses de la santé. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de ces professionnels qui quittent en fait rapidement la profession parce que ils perdent complètement ce sens au travail, les conditions de travail sont dégradées. Donc, y compris nous, de ce point de vue-là, on pense qu'il faudrait déjà commencer par la réduction du temps de travail, c'est-à-dire de pouvoir partager le travail entre toutes et tous et de pouvoir améliorer les conditions. Et on pense que ces luttes des soignants, elles doivent s'articuler avec les luttes des usagers pour un meilleur accès aux soins, pour changer les choses. Et on pense qu'en vérité, on a les forces pour le faire. C'est-à-dire qu'on est quand même les travailleurs, les travailleuses, les sans-emploi, les retraités. On représente plus de 90% de la population. Donc en vérité, c'est nous qui faisons tourner cette société. Quand ma directrice elle était absente, la clinique, elle continuait de tourner. Quand le patron de Renault, Carlos Ghosn, il était ennuyé par des ennuis judiciaires au Japon, les usines Renault, elles continuaient à tourner. Donc en vérité, on n'a pas besoin des patrons ou des dirigeants technocrates des établissements. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est les gens du terrain, les ASH, les infirmières, les aides-soignants, les ouvriers, parce que c'est eux qui font tourner la machine, et il est temps justement qu'on organise les choses pour nous-mêmes, qu'on décide comment on les organise parce qu'on est les mieux placés pour le faire, qu'on discute de ça, qu'on s'organise par en bas parce que c'est nous qui sommes cette force sociale en fait qui peut changer les choses en notre faveur. Et oui, tu parlais justement des logiques technocratiques. Et ce serait peut-être intéressant aussi de voir si on pourrait revenir sur la T2A, parce qu'on parle beaucoup du problème paramédical, mais on ne parle pas de l'origine en réalité du plus grand fiasco, on va dire, en termes d'accès aux soins et de prestations. Et quelle est la revendication sur la T2A au niveau de la révolution panel? Bah, peut-être pour expliquer, parce que ça peut faire un peu jargon pour celles et ceux qui connaissent pas, en fait, la T2A, c'est la tarification à l'activité. Et comme tu l'as bien dit, en fait, ça marque un certain tournant dans l'organisation du système de santé en France. En fait, la T2A, elle va se mettre en place début des années 2000. Et en vérité, ce que ça change, c'est que le financement des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, va être par un système de cotation. Et ça va entraîner un effet pervers qui va être que certains actes vont être mieux cotés que d'autres, et surtout ça engendre une course à l'activité pour pouvoir financer les établissements. C'est-à-dire on parle plus de combien un établissement doit avoir qu'à fonctionner en fonction de ses besoins, mais en fait les établissements vont chercher à produire un maximum d'activités, y compris avec certains soins plutôt que d'autres qui rapportent plus pour développer leur établissement ou pour organiser leur établissement. Et en effet, ça a été un changement profond puisque bah, quand on prend plus comme boussole le besoin de la population, bah, en fait, on rentre dans une logique marchande, dans une logique de course à l'activité. Donc ça, conjugué avec ce qu'ils appellent les PMS, les durées moyennes du séjour, c'est-à-dire plus un patient reste longtemps dans un établissement, moins, entre guillemets, il rapporte. Les deux conjugués, T2A plus les DMS, en fait, ça fait une logique où on cherche à faire une course à l'acte et très vite, en fait, le patient doit sortir. Sauf que, bah, il y a des problématiques qui sont plus compliquées. Il y a des sorties quand elles sont trop rapides et donc, en fait, ça entraîne des réhospitalisations. Dans le même temps, on a fermé un certain nombre de lits et tout ça, en fait, explique la situation à laquelle on arrive aujourd'hui. Qui est une situation complètement dégradée. Il faut dire aussi que les différentes parties politiques ont accompagné ces réformes, que ce soit la droite évidemment, mais aussi le Parti socialiste, qui lui aussi a fermé des lits lorsqu'il était au pouvoir, notamment sous Hollande. Donc, en effet, nous, on s'oppose radicalement à toutes ces réformes. Et en fait, on pense qu'en fait, la logique, ce qu'il faudrait, c'est partir des besoins de la population. Réouvrir des lits et arrêter avec toutes ces logiques marchandes et foutables, en fait, surtout sur ce qui est le plus cher pour toutes et tous, qui est notre santé, la santé de notre famille, nos parents. Donc, c'est vraiment révoltant, en fait, de voir comment la froideur d'un système ouais, comptable, managérial, décide, en fait, de ne vis. Et c'est vrai que dans un autre idée, la question du loi sur la fin de vie, alors totalement en dehors des élections municipales, mais je pense que ce serait intéressant de la mettre en regard miroir par rapport justement à ce qu'on parlait, à ce que tu expliquais au niveau de la T2A et la durée moyenne de séjour. C'est-à-dire que d'un côté, on précarise les soins, et de l'autre côté, on accélère tout ce qui est fin de vie et on pourrait parler d'une certaine manière de l'euthanasie. Oui, bah, alors, gros sujet également, la loi sur la fin de vie, mais notre position avec Révolution Permanente, notamment, on a publié une tribune à l'ouverture des débats, je crois que c'était en février 2025, on a publié une tribune de notre site de militantes anti-validistes, militantes anti-validistes et avocates, qui justement, qui est la position qu'on rejoint, qui justement pointait en fait les risques de la loi sur la fin de vie, c'est-à-dire que, comme tu le dis, dans une société où en fait on met de moins en moins de moyens pour la santé, de permettre un accès à la fin de vie, alors que bah, les moyens pour accompagner en fait les souffrances, qu'elles soient psychiques ou somatiques, sont de plus en plus dégradées, le risque, en fait, c'est que de laisser comme seul choix aux gens pour abréger, entre guillemets, leur souffrance de la mort, parce que aussi on n'a pas ouvert d'autres. On n'a pas développé en fait l'accès aux soins, l'accès à pouvoir soulager les douleurs, à pouvoir avoir un accompagnement. Donc en fait c'est très inquiétant. Je suis pas un spécialiste de la question, mais je crois savoir qu'il y a le modèle canadien qui justement a montré les dérives que peut avoir ce type de loi, qui peuvent se présenter au premier abord comme comme garantie des libertés. Sauf que en fait ces libertés-là, on ne peut pas les analyser, les voir sans comprendre en fait dans quel système global il s'inscrit, et qu'au final la liberté de choix dans un système où, comme on l'a dit, hein, comme dans un système où l'accès aux soins, l'accès aux professionnels de santé est de plus en plus dégradé, bah oui, en effet, comme tu dis, c'est inquiétant, et ça peut donner une société dystopique où finalement le seul horizon qu'on aurait lorsqu'on est moins bien ou lorsqu'on a on traverse des difficultés, ce serait de pouvoir accéder à en finir plutôt qu'avoir accès aux ressources humaines ou de soins nécessaires pour pouvoir les surmonter. Et je propose qu'après ce long développement, on fasse une dernière interlude. Attends, est-ce qu'elle me verra tranquillement l'édition? Je suis dans mes écouteurs. Je suis pas qu'à t'écouter. Je me fais mes films, ça fait vibrer. On est sûr. Because of Miss Vahim Silky, they said you're dancing with the devil tonight. There was something about the way you took my shaking hand and cooed me out across the floor. There was fire in his eyes, gleaming in his heart, desire. He moves his steps softly, smooth and quick. He took me to a dark that there was enticement in it. Team drew me in. This was creepy. Dancing with tonight. The little gin, temptation cannot be denied. So open at the geek, scare. And the nibbles. Ça a aidé. Et les tribunes pour cacher les yeux. Et c'est maintenant ma voix, je suis dans mes échos. Et il nous reste à peu près 100 minutes. Donc, ça laisse peut-être un dernier développement. Quel sujet tu voudrais développer à l'heure des femmes, tu vois, de l'émission Grand Candidat? J'ai pas forcément d'idée là. Peut-être que, bon, voilà, pour dire peut-être un petit mot ici, on en a pas parlé sur l'aspect municipal, mais parfois les gens nous demandent un petit peu à quoi ça servirait en fait d'envoyer des élus révolutionnaires à la mairie. Nous, on pense qu'en vérité, ce serait utile. Pour notamment la formule qu'on dit souvent, c'est qu'on serait les yeux et les oreilles en fait des classes populaires dans le conseil municipal. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et plutôt à raison, hein, qui sont dégoûtés en fait du système politique actuel. Nous, on pense qu'avoir des élus révolutionnaires dans le conseil, ça permettrait justement d'accéder aux dossiers qui se traitent au conseil municipal, aux mauvais coups un peu qui se préparent, parce que en fait notre programme et anticapitaliste, mais je veux dire, de l'argent, il y en a sûrement. Hein. On voit que le maire peut trouver plusieurs dizaines de millions d'euros pour rénover le palais des congrès, alors qu'à côté de ça, je décrivais tout à l'heure la situation des logements sociaux. Le groupe pense que l'argent, il existe, et avoir des élus révolutionnaires à la mairie, ça pourrait permettre d'être une courroie de transmission va être un point d'appui dans les luttes sur la ville, que ce soit pour le logement, pour les écoles. On n'a pas parlé des écoles, mais il y a aussi une problématique de rénovation importante qui a été illustrée notamment dans l'actualité locale avec la mobilisation de l'école Les Sablonnières au Sablon, qui n'avait pas de chauffage, et où les parents d'élèves, les enseignants, les enfants sont invités à la mairie. Eh bien, ça a marché, puisque 24 heures après, le chauffage a été rétabli. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir des élus qui permettraient d'être cette courroie de transmission, de pouvoir transmettre les informations aux habitants et pouvoir organiser des luttes à venir pour qu'elles soient victorieuses. Donc voilà, le 15 mars, le vote ultime pour nous, c'est de mettre des gens qui sont comme vous dans le conseil municipal, qui vivent les mêmes galères que vous, qui ont du mal à finir les fins de mois comme vous, qui sont tous confrontés à la même réalité. Et ça permettra en fait de pouvoir préparer les batailles futures sur la ville et de pouvoir s'organiser au mieux pour défendre notre camp social. Et comme aussi beaucoup d'amis à la radio de Radio Progrès, c'est une radio en plus continu que basée sur le Nord. Et ben merci beaucoup à toi Pierre, merci à la Radio Progrès. Au revoir, je vous souhaite une agréable soirée, vous journée, et je vous dis à la prochaine.